parti dans ma tête, c'est le grand vide. Je veux revenir en arrière, stopper le temps, pas le ralentir. Je t'envoie ton sourire et je t'assure, rien le remplace. On se rend pas compte la chance qu'on a, genre tout s'en va. Parce que pour moi, rien ne sera plus jamais pareil. Y'a eu avant, y'aura après, que l'on soit séparés. Je ne trouve plus la route, il me manque une boussole. Sur ton épaule, comment je fais pour tenir debout seul? Des souvenirs et c'est pas une chanson triste. Ah, je veux pas des soupirs et je me fous de ce que l'on dira. C'est pas pour ce qu'ils pensent et de toute façon je sais qu'on se comprend. J'ai plus le mal de vivre, celui qui fait qu'on se vend. J'ai tant appris de toi, y'a pas d'assez grand merci. Repense à moi quand ça va pas, moi ça comme mon air triste. On se reverra là-haut pourtant, je crois pas à Dieu. Mais si je le faisais pas, ça voudrait dire qu'on sera plus à deux. Toujours.